J'aimerais changer l'air de la vie, changer l'air de la musique, changer d'air. On rêve tous un nouvel air, un nouveau lieu, un nouvel espace. Une nouvelle place dans la vie, y'a ceux qui rêvent d'un meilleur taf. Changement du sens de la vie, du mal, y'a ceux qui crèvent de faim. Y'a ceux qui souffrent dans la chaleur et qui ne disent rien. Y'a ceux qui galèrent, ceux qui ne foutent rien. Y'a ceux qui galèrent dans tous les coins, de finir le bel putain. J'aimerais changer l'air, changer la musique.